The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Haircut. La coupe. To dare. Oser. By the way. Au fait. Hairdresser. Le coiffeur. Dying. La couleur. Highlights. Les mèches. Brown. Brun. Blonde. Blond. Perm. La permanente. To shave. Se raser. Now, a bit faster. Perm. La permanente. Brown. Brun. Blonde. Blond. Brown. Brun. To shave. Se raser. To dare. Oser. By the way. Au fait. Dying. La couleur. Brown. Brun. Highlights. Les mèches. Haircut. La coupe. By the way. Au fait. To dare. Oser. To shave. Se raser. To dare. Oser. Blonde. Blond. Highlights. Les mèches. Hairdresser. Le coiffeur. Dying. La couleur. Haircut. La coupe. Hairdresser. Le coiffeur. Now, use the words in context. La coupe de cheveux. That haircut looks really good on you. Cette coupe te va vraiment bien. Oser. He dared to leave the house in his pajamas. Il a osé sortir de chez lui en pyjama. La couleur. Her new color is really original. Sa couleur est vraiment originale. Les mèches. Her brown highlights bring out her beautiful blue eyes. Ses mèches brunes mettent en valeur ses beaux yeux bleus. Se raser. He shaves every 2 days. Il se rase tous les 2 jours. La coupe de cheveux. That haircut looks really good on you. Cette coupe te va vraiment bien. Oser. He dared to leave the house in his pajamas. Il a osé sortir de chez lui en pyjama. La couleur. Her new color is really original. Sa couleur est vraiment originale. Les mèches. Her brown highlights bring out her beautiful blue eyes. Ses mèches brunes mettent en valeur ses beaux yeux bleus. Se raser. He shaves every 2 days. Il se rase tous les 2 jours.